السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi vous encore une fois par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois béni de Ramadan. Et on est toujours dans la série de cours sur l'explication du tafsir, de l'explication de la partie de Juz'amma, de Surat An-Naba, jusqu'à la fin du Coran. Alhamdulillah, on avait fini Surat An-Naba, et on avait commencé Surat An-Nazi'at, et nous sommes arrivés au verset numéro 34. Allah subhanahu wa ta'ala يقول فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الله سبحانه وتعالى il dit dans la traduction approximative: puis quand viendra le grand cataclysme, quand viendra le deuxième souffle dans la trompe, hein, le jour de la résurrection et de l'heure. Et comme on l'a vu auparavant, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va réunir tous les gens pour les juger. Personne ne peut fuir ce jour terrible et personne ne peut en échapper. Le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés complètement nus, non circoncis. Comme dans le hadith authentique de quand Aïcha radiallahu anhu dira, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront ensemble, les uns regardant les autres? Il dit: ô Aïcha, la situation sera trop grave pour qu'ils pensent à se regarder. Et le hadith est authentique. Le jour où le soleil va être approché des créatures jusqu'à ce qu'il soit à une distance de 1002. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens seront dans la sueur en fonction de leurs œuvres. Certains auront de la sueur jusqu'aux chevilles, certains jusqu'aux genoux, certains jusqu'à la taille, et d'autres seront submergés par la sueur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam montra sa bouche avec sa main, comme il est venu dans le hadith authentique rapporté par Muslim. Un jour terrible, wallahi mes frères. Le grand cataclysme, le grand malheur. Et on avait dit, il a été appelé le grand malheur, car il va couvrir toutes choses terribles et difficultés auparavant. Il n'y aura pas plus grande difficulté. Méditez, barakallahu fikum, tout malheur qui peut toucher l'être humain dans cette vie d'ici-bas, c'est rien comparé à ce jour. Le malheur qui peut te toucher dans cette dunya, tu sais qu'il est passager. Donc à chaque fois, alhamdulillah, que tu as un malheur dans cette dunya et que tu patientes et tu dis alhamdulillah ala kulli hal, la louange seule est à Allah, dans toute situation, tu te rappelles ce jour terrible. Et ce malheur que tu as dans cette dunya sera insignifiant, wallah. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Qamar, بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرْ. L'heure plus tôt sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, puis quand vient le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'homme se rappellera toutes ses actions de bien et de mal. Il se rappellera par un écrit que lui-même lira. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Isra, versets 13 et 14, وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Naam. Donc prends garde. Barakallahu fik. Et prépare-toi pour ce grand jour. Et fais tes comptes. Avant qu'il soit trop tard. Pour que tu ne sois pas parmi les gens qui diront, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Alhamdulillah, aujourd'hui tu es dans cette dunya. Repens-toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens vers Allah azza wa jal. Multiplie les bonnes œuvres. Délaisse ses interdits. Profite, saisis cette occasion. Car lorsque la mort arrive, ou ce jour terrible arrivera, ce sera trop tard. Ne sois pas parmi les gens qui regretteront. Et qui diront, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. L'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. C'est-à-dire que l'enfer sera apparent, clair, devant les gens qui la regarderont. Ils regarderont l'enfer. Hein, l'œil de la certitude, ils le verront avec les yeux. Un feu qui flambe. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. L'enfer, comme il est venu dans le hadith authentique, l'enfer sera rapporté le jour de la résurrection, il aura 70 000 chaînes. Et il y aura sur chaque chaîne 70 000 anges. Pour la traîner, pour le traîner. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Authentifié par Muslim. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Rien ne pourra tuer la personne, excepté ses œuvres pieuses. Wallah, et qu'Allah nous préserve de l'enfer. Lorsque l'enfer apparaîtra, les gens se diviseront en deux catégories. Comme Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne dans les versets suivants, il dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Ça c'est la première catégorie. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, quant à celui qui aura dépassé les limites, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, et la limite de l'homme, comme est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Donc celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer a certes outrepassé les limites. Il a certes dépassé les limites. Wa athara al-hayat ad-dunya. Et aura préféré la vie présente. et aura préféré la vie présente à celle de l'au-delà, à celle de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute sa vie, il l'a passée pour cette dunya, en oubliant l'au-delà. Et c'est les deux caractéristiques des gens de l'enfer. Non seulement ils dépassent les limites avec la mécréance, l'association, les grands péchés qui font sortir de l'islam, comme le shirk, le grand shirk, tandis que les grands péchés qui sont en dehors du shirk, le grand shirk, ne font pas sortir de l'islam. Et ceci est la croyance des gens de la sunna. C'est un croyant, alhamdulillah, et sa foi est faible, sa foi a baissé, mais il ne sort pas de l'islam. Contrairement à ceux qui disent, comme les khawarij, ils disent que celui qui fait un grand péché sort de l'islam. Et ceci est une croyance fausse. Donc ici, les deux caractéristiques des gens de l'enfer, c'est-à-dire le mécréant, celui qui a dépassé les limites et a préféré la vie présente, hein, ce sont deux choses qui sont liées. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Et à eux, quel est leur refuge? Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Alors l'enfer sera son refuge. Sa demeure, c'est-à-dire sa destination sera l'enfer. Pas d'autre demeure. Et quel mauvais refuge. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et on a parlé de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite parle de la deuxième catégorie de gens, c'est-à-dire les gens du paradis. Il dit وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion. C'est-à-dire pour celui qui a peur, qui craint d'être debout devant son Seigneur le jour du jugement, alors il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant et en délaissant ses interdits. Il se prépare en faisant les bonnes œuvres, les œuvres pieuses. Et en plus de cela, il préserve son âme. C'est-à-dire interdit son âme de la passion, celle qui contredit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. L'âme incitatrice au mal, qui appelle au mal, il la contient et il la réprimande. Il combat son âme de la passion et du désir qui repousse le bien. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera le paradis. Il dit après, le paradis sera alors son refuge. Celui qui rentre au paradis aura le bonheur éternel, mes frères. Il ne connaîtra plus jamais le malheur. Pas de peine, ni de tristesse, pas de haine, ni de dispute, ni de rancœur. Il n'y aura pas la pauvreté, ni de fatigue, pas de maladie, ni de vieillesse, pas de mort. Une vie de plaisir et de jouissance éternelle. Qu'Allah nous fasse parmi les gens du paradis, le Firdaus, le plus haut degré du paradis. Le paradis qui est la demeure du délice permanent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses bien-aimés, ses serviteurs pieux. Ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Comme il est venu dans le hadith d'Abu Huraira, le hadith Qudsi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate As-Sajda, verset 17, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Falhamdulillah, le paradis qui possède tout bien, jouissance et délices. Donc alhamdulillah, maintenant que tu connais l'enfer et les gens de l'enfer, celui qui a dépassé les limites et qui a préféré la dunya et que tu as connu la deuxième catégorie, les gens du paradis, alhamdulillah, qui auront redouté leur, de comparaître devant leur Seigneur et préserver leur âme de la passion. Dans quelle catégorie veux-tu être? Pose-toi la question, fais tes comptes maintenant que tu es dans cette dunya. Barakallahu fik. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala yaqul yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? C'est-à-dire, il t'interroge, ô Mohammed, ceux qui traitent de mensonges le jour de la résurrection, ces obstinés, les mécréants, les associateurs, t'interrogent sur l'heure. Quand est-ce que le grand cataclysme va-t-il arriver? Mais ils questionnent, bien sûr, en considérant improbable son arrivée, en la reniant. Hein, c'est pas comme celui qui demande, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith authentique, quand est-ce qu'allait arriver l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'as-tu préparé? Il lui a dit, je n'ai rien préparé excepté ce que j'aime Allah et son messager. Alors il lui a dit, tu seras avec ceux que tu aimes. Ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, quand il pose la question, ses associateurs, ses mécréants, il considère improbable, car il la traite de mensonge et la renie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Ash-Shura, la consultation, verset 18, يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Ceux qui n'y croient pas cherchent à la hâter, tandis que ceux qui croient en sont craintifs et savent qu'elle est, elle est la pure vérité. Et ceux qui discutent à propos de l'heure sont dans un égarement lointain. Fima anta min dhikraha. Il dit ensuite, quelle science en as-tu pour le leur dire? C'est-à-dire que tu ne peux leur mentionner le moment de l'arrivée de l'heure. Car certes, sa science est uniquement auprès d'Allah. Et on avait déjà parlé de cela. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, ila rabbika muntahaha. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset dans sourate Al-A'raf, verset 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre. Elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Innama anta munziru man yakhshaha. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. C'est-à-dire, tu ne possèdes pas la science de l'arrivée de l'heure, mais tu n'es que l'avertisseur. Ceci est ta mission, avertir celui qui craint l'arrivée de l'heure. Et ce sont les croyants, ceux qui rien ne les préoccupe, excepté de se préparer pour elle et d'œuvrer. Quant à celui qui la renie et qui la traite de mensonge, cet avertissement ne lui est d'aucune utilité. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, mais ni les preuves ni les avertisseurs ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Et on avait cité tous les signes dans Surat An-Naba. Même si tu leur rapportes tous les signes qui existent, ils n'y croiraient pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset, à la fin de la sourate, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Naam. Le jour où ils verront le jour du jugement, lorsqu'ils seront ressuscités de leur tombe, il leur semblera n'avoir resté qu'un demi-jour dans cette dunya. Subhanallah. Et on reparlera d'un verset qui ressemble à celui-là, Inch'Allah, ou Ta'ala. Ainsi se termine, walhamdulillah, l'explication de cette sourate, sourate al-Nazi'at, les anges qui arrachent les âmes. Taïb. Et la sourate qui vient après, on commence directement, Inch'Allah, ou Ta'ala, c'est sourate Abasa, qui est une sourate aussi mécoise. Hein, Abasa, il s'est renfrogné. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fa tanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha in kalla innaha tadhkira ila akhir. Cette sourate, cette grande sourate, mes frères, comporte beaucoup de leçons à tirer et de morale. Des choses importantes à prendre en considération pour celui qui désire et veut le bien. Et la cause de la révélation de ces premiers versets de cette sourate est celle-ci. C'est la venue d'un homme aveugle parmi les croyants et qui est Abdullah, le compagnon, qui est Abdullah ibn Ummi Maktoum. Qu'Allah l'agrée, qui faisait partie des muadhin, des deux muadhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Bilal. Il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la hijra, à Mekka. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mekka. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé à parler avec les chefs des Quraysh, parmi les riches, il les invitait à l'islam. Il était occupé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à les appeler à l'islam. Car il espérait, il avait le désir ardent qu'ils rentrent dans l'islam. Car il savait que si les chefs de Quraysh, les plus riches parmi eux, rentraient dans l'islam, les gens en dessous d'eux suivraient donc. Hein, les suivraient donc. Donc il espérait fortement à cela. Hein, car comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'efforçait pour la guider des créatures. Et cet homme aveugle, qui est Abdullah ibn Ummi Maktoum, qu'Allah l'agrée, cet homme à ce moment-là est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner. Hein, pour qu'il lui enseigne l'islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui et s'en renfrognait. Pourquoi ? Comme ils disent les savants qui ont expliqué, car il espérait que les chefs de Quraysh rentrent dans l'islam, comme on l'a dit, et qu'ils se purifient. Et il a eu peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que s'il s'éloigne de Quraysh, hein, quand il leur parlait, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers cet homme aveugle et se détourne des chefs de Quraysh, comme il est venu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le peuple de Nuh alayhi salam, et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Il n'y a pas de doute que c'est un effort de sa part, sallallahu alayhi wa sallam, car c'est la meilleure des créatures, celui qui avait le meilleur des comportements. Il n'a pas fait cela en méprisant cet homme aveugle, car rien n'est plus important et rien ne lui préoccupe plus que l'islam. Hein, que la vérité se propage entre les serviteurs d'Allah. Et pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les gens sont égaux. mais plutôt la personne s'applique à l'islam, plus la personne s'applique à l'islam, plus il l'aimait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a quand même repris sur ce fait-là, hein, pour que ce soit une leçon pour la communauté. C'est-à-dire, peu importe l'apparence d'une personne, qu'elle soit aveugle, pauvre ou autre chose, on lui donne son importance, car elle cherche la guider. Et cette personne est prioritaire. Même si c'est des chefs, des riches, les plus grands, chefs ou autres, mais qui ne cherchent pas la guider, comme on va le voir. Donc il est prioritaire. Donc là, il était prioritaire. Mais comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était occupé dans la da'wah. Et il s'est juste renfrogné, c'est-à-dire il a détourné son regard. Hein, il s'est détourné de cet homme aveugle. Car pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas le bon moment de venir à lui. Pourquoi ? Parce qu'il s'adressait aux associateurs, il était occupé. Hein, il s'adressait aux associateurs afin qu'il rentre dans l'islam. Et que Abdullah Ibn Umi Maktoum, cet homme aveugle, aurait droit à un autre moment. Il ne voulait en aucun cas manquer l'occasion qu'il avait avec les chefs de Quraysh. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a repris d'un reproche doux. D'un doux reproche. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Abasa wa tawalla ». Il s'est renfrogné et il s'est détourné. C'est-à-dire, il s'est renfrogné sur son visage en désapprouvant la venue de cet homme aveugle qui est Ibn Ummi Maktoum. À ce moment même, et il s'en détournait de lui, et il s'est détourné de lui avec son corps, en se dirigeant vers Quraysh. Pourquoi ? Parce qu'il était en train de parler avec les chefs. Et même Abdullah ibn Umm Maktoum, le compagnon qu'Allah l'agrée, il était aveugle, il n'a même pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se renfrogner. Et ils disent, les savants, parmi les fawa'id, les bénéfices, même Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas repris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas repris aussi cet homme aveugle. Pourquoi ? Parce qu'il a je ne sais plus comment on dit en français, Allah al-Musta'an. Yani, il a dérangé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Mais il lui trouve une excuse. Pourquoi ? Parce qu'il était aveugle, il n'a pas vu. Il n'a pas vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était occupé. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Anja'ahu al-a'ma » parce que l'aveugle est venu à lui. Et comme on a dit, c'est Abdullah ibn Ummi Maktoum qu'Allah l'agré, un grand compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup et le respectait beaucoup. Hein, il faisait l'aden à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit avec lui et Bilal. Naam. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam le nommait successeur à Médine lorsqu'il voyageait. Et il priait devant les gens. Il avait un grand mérite. Hein, radiyallahu anhu. Naam. Ensuite, il dit, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les bénéfices si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était dirigé vers lui et dit وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier. Allah subhanahu wa ta'ala ici s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, qui te dit, ô Muhammad, peut-être cherche-t-il, c'est-à-dire l'aveugle, à se purifier, c'est-à-dire à profiter du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il se purifie de ses péchés et des mauvais comportements par les bonnes œuvres, par les bons comportements les plus louables, et de ce qu'il va apprendre de toi, et certes il est venu à toi pour se purifier. C'est une affirmation ici. Peut-être cherche-t-il à se purifier. Hein, ici, c'est une affirmation. Yani, comme on avait vu, c'est une question ici affirmative pour confirmer. Certes, Cet homme aveugle, Abdullah ibn Ummi Maktoum, qu'Allah l'agrée, il est venu à toi pour se purifier. Comme on a dit, se purifier de ses péchés, des mauvais comportements, pour apprendre. Il voulait saisir l'occasion pour être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour profiter. Et c'est pour ça qu'il dit après, Allah subhanahu wa ta'ala, « Aou yadzakkaru fatanfa'ahu dhikra » ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. C'est-à-dire, ou à se rappeler, c'est-à-dire qu'il tire profit du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'une exhortation, d'un rappel qui lui profitera, et par la suite, mettre en pratique ce rappel et s'éloigner des interdits. Car certes, il est venu à toi dans ce but, et il est digne de se purifier. Et de se rappeler qu'Allah l'agrée. Il est plus digne et on espère plus de lui qu'il se purifie et se rappelle que ses associateurs. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Amma man istarna fa anta lahu tasadda » Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse. C'est-à-dire quant à celui, le riche, le chef de Quraysh, parmi les plus riches, ce qu'on respectait le plus, lui, il se passe d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe de l'islam et de la foi. Qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, c'est-à-dire qui se passe du rappel et de l'exhortation et de la da'wah. Par rapport à sa richesse qu'il possède, ou le haut rang qu'il a. Les chefs de Quraysh, les riches, qui se complaisent dans leur suffisance, ils n'ont pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent. Ils n'ont pas besoin de l'islam, ni de la foi, ni du rappel et ni d'exhortation. Ils n'ont pas besoin du message d'Allah, du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vas avec empressement à sa rencontre. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ C'est-à-dire tu encours et tu te diriges vers lui en espérant qu'il soit guidé. Parce que comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il espérait fortement que ses chefs soient guidés vers l'islam. Donc il espérait qu'il soit guidé alors qu'il ne désire pas cela. Et ne veut pas la vérité. Mais tu te détournes de celui qui désire et demande la vérité. Ibn Ummi Maktoum. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. C'est-à-dire que tu n'es pas responsable dans le fait qu'il ne soit pas guidé, cet associateur, ce mécréant, ce chef de Quraysh, ce riche. Tu n'es pas responsable qu'il ne soit pas guidé, qu'il ne se purifie pas de sa mécréance. Qu'il croit ou mécroit, il ne te convient que de transmettre seulement le message. Et la guidée provient d'Allah seul. Elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah guide qui il veut, il égare qui il veut. Allah montre que certes, Ibn Ummi Maktoum, qu'Allah l'agrée, est plus proche vers la purification que ses chefs de Quraysh. Et que certes, même si tu t'es dirigé vers eux, puis ne se purifie pas, tu n'es pas responsable. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ibn Ummi Maktoum venait à lui après cela, subhanallah, il l'accueillait avec sourire, avec joie et estime, et lui disait « Bienvenue à celui pour lequel mon Seigneur m'a réprimandé ». Naam. Et ensuite, après Allah subhanahu wa ta'ala, il réitère encore une fois l'histoire d'Ibn Ummu Maktoum en disant Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Et on continuera, inshallah ta'ala, ce cours demain. Bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. و on se retrouve demain inshallah ta'ala à la même heure. Naam. Et n'oubliez pas le prochain rendez-vous inshallah ta'ala. Ça sera bi'idhnillah. Ça sera... Alors je reviens. Ça sera avec notre frère inshallah ta'ala, Omar Abu Saouda. Qu'Allah lui facilite et le préserve. Vous serez informé de l'heure inshallah ta'ala, parce que je ne me rappelle plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui m'écoutent encore, parce que j'ai pas encore coupé, donc j'ai vérifié l'heure, inshallah ta'ala, ça sera à 22h, heure française, barakallahu fikum. Donc sur le sujet, les belles règles concernant l'explication du Coran de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, soyez présents, barakallahu fikum. Naam, salam alaikum.